Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On a commencé, walillahi alhamd, ensemble, hier, la lecture de cette risala, l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, at-Tabukiyya, wa stafadna anna al-mu'allifa, rahimahullah. L'auteur, il a basé son conseil, c'est un conseil pour talabat al-ilm, pour les étudiants en sciences, pour ceux qui veulent faire des efforts, et il a basé ce conseil sur qawlullah azza wa jal, wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, wa attaqullaha inna allaha shadidu al-iqab. وهذه الآية كما استفدنا أمس الانقلب طول بيان قد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أي ce verset من كلام الله سبحانه وتعالى اشتمل على جميع مصالح العباد أي tout ce que l'être humain il a besoin في معاشه ومعاده أي tout ce qui concerne هذه الدنيا سبامون دي كذلك لودولا اوتر شوز ما يتعلق او ما بين العبد او العباد او بعضهم بعضا اي tout ce qui est lié aux êtres humains entre eux et كذلك ما بين العبد وبين ربه اي entre le serviteur et Allah سبحانه وتعالى فقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اي entraidez-vous dans le bien, ne vous entraidez pas dans le mal. Hada, ça concerne ma yata'allaqna an bayna al-ibad, entre les êtres humains. Enfin, le bien, c'est de s'entraider dans le bien. Et s'entraider dans le mal, ça fait du mal. Wa qawluhu wa attaqullah ay hada bayna al-abd wa bayna rabbi. Kama sayati, insha'Allah ta'ala. رسالة مفيدة جدا فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأمس on avait lu كلام ابن القيم رحمه الله sur l'explication de البر et البر c'est le bien ça englobe tout le bien قال رحمه الله تعالى وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا أما التقوى أي قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. فدان لو كور بريسيدون لا اكسبليكي من كلام ابن القيم رحمه الله البر. قال أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا. التقوى سي دوبيغ الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا بهذه القيود العظيمة avec ces conditions importantes إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا إيمانا أي بالله عز وجل احتسابا أي الأجر إيمانا أي sincèrement pour Allah سبحانه وتعالى احتسابا c'est espérer la récompense أمرا ونهيا Amran ay les ordres. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous a ordonné. On doit l'adorer seul, on doit accomplir la salat, on doit faire as-siyam, on doit faire le hajj, etc. Nahyan ay Allah subhanahu wa ta'ala nahana. Il nous a interdit certaines choses. On doit s'en écarter. Qala fayaf'alu ma amara Allah bihi imanan bil amr wa tasdiqan bi maw'idihi. Imanan bil amr ay on fait cette adoration et on a la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a ordonné. Enfin, c'est un ordre d'Allah azza wa jal. Wa tasdiqan bi maw'idihi ay la récompense. Et on a la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala il est juste et il récompensera ceux qui lui ont obéi subhanahu. Wa yatruk ma naha Allah anhu imanan bin nahi. كذلك on délaisse les interdits. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous l'a interdit. Enfin, on a هذا الإيمان, cette croyance. وخوفا من وعيده. Et كذلك on s'écarte. Pourquoi? لأن الله عز وجل il a menacé ceux qui lui désobéissent بالوعيد الشديد والعذاب الأليم. أي une énorme punition et un châtiment douloureux. نسأل الله العافية. قال رحمه الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله إذا وقعت الفتنة فادفعها بالتقوى. طلق ابن حبيب رحمه الله من التابعين. Il fait partie de la génération qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et طلق رحمه الله sont ou plutôt sa définition de taqwa, elle est connue عند أهل العلم. Et كما قال ابن القيم رحمه الله c'est من أحسن ما قيل في التقوى. وطلق رحمة الله عليه رمي بالإرجاء وقع plutôt في الإرجاء. قال أيوب السختياني رحمة الله عليه كما في السير للذهبي قال لي سعيد بن جبير. أي أيوب رحمه الله يغبخك سعيد بن جبير parmi les grands élèves d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال له, il lui a dit, لا تجالس طلقا. وقال مرة, وأن رآني سعيد بن جبير, جلست إلى الطلق, فقال, ألم أراك, جلست إليه, لا تجالسه. قال, وكان ينتحل الإرجاء, انتهى. Donc, سعيد بن جبير, رحمة الله عليه, الإمام, il a mis en garde أيوب, rahmatullah alayhi al-imam, de s'asseoir avec Talq. Limadha li'annahu, il avait aqidatu al-murji'a ou certaines shubah, nas'alullah azza wa jal an yarhamah. Amma son ta'rif, sa définition de at-taqwa, c'est min ahsan ma qil. Et ta'ammal hadha al-kalam jayyidan. Qala rahimahullah, idha waqa'at al-fitna fatfa'uha bit-taqwa. هذا الكلام الذي في أيام فتنة ابن الأشعث لما خرج على ولي الأمر et ça a provoqué une énorme fitna à cause de cette rébellion. فالطلق قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. Et هذا c'est un كلام جميل جدا. أي فتنة أخي الكريم, n'importe quelle épreuve, si tu subis une injustice ou tu es accusé ou tu as perdu un proche, ou tu es éprouvé par une maladie, ou n'importe quelle épreuve, fatfa'ha bit-taqwa. Repousse cette épreuve, cette fitna, avec at-taqwa. Ihdhar, fais attention quand tu es éprouvé les sentiments. Fais attention, akhil karim, quand tu es éprouvé de ne pas te précipiter. Kadhalik, fais attention à ceux qui conseillent avec ignorance. Ba'dannas, rubama, ils vont te pousser à faire certaines choses. Et ces choses, elles pourront te faire du mal. Amma Talq rahmatullah alayhi, nassaha bi hadha al-kalam al-jamil, qala idha waqa'at al-fitna. Si la fitna se produit, une épreuve, fatfa'uha bit-taqwa. Repoussez cette épreuve avec at-taqwa. Thumma qalu wa ma at-taqwa. Ils lui ont demandé, c'est quoi at-taqwa? تقدم معنا بيان جميل دول الإمام ابن القيم رحمه الله. قال أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا وأمرا ونهيا. سساء التقوى يتخدث par la crainte, par la piété. فقال رحمه الله أي طلق quand ils ont posé la question sur التقوى il a répondu أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. C'est ça التقوى. C'est ça la crainte, la véritable crainte d'Allah سبحانه وتعالى. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. أي c'est que tu obéis à Allah سبحانه وتعالى على نور من الله. أي avec بصيرة, avec علم, avec إيمان. On doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette obéissance, elle est fondée sur deux choses. Elle est fondée bien sûr sur l'iman, sur la foi. Wa illa l'obéissance du kafir ou de l'hypocrite, bien sûr, son obéissance, elle n'est pas acceptée. Donc, la bud min hadha al-shart al-azim, al-iman, la foi. الله سبحانه وتعالى يتقبل من المؤمنين من المتقين. وكذلك العلم لا سيونس، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. لأن كم من الناس يسون سانسير يزوبيس الله سبحانه وتعالى لكن يزانفون دي شوز يتم في البدعة دون الانوفاسيون. البدعة أن لا أكسبتي عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فاحفظ هذا التعريف وهذا الكلام الجميل، essaye de le mettre en application، فستستفيد في الدنيا قبل الآخرة. On répète: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. Donc cette précision elle est très très importante. Et العلم كما تعلمون c'est du nour, c'est de la lumière, ou c'est une lumière. كتاب الله عز وجل كذلك الله سبحانه وتعالى سماه نورا. الله سبحانه وتعالى il appelle le Coran نور. Donc on doit obéir à Allah سبحانه وتعالى، لكن pas avec l'ignorance, pas avec les passions, pas avec les coutumes, pas en suivant aveuglément alors qu'on a la capacité d'apprendre. ثم قال ترجو ثواب الله. Tu adores Allah سبحانه وتعالى avec science, sincèrement, et كذلك en suivant le prophète صلى الله عليه وسلم. Et tu espères la récompense. وَأَن تَتْرُكَ مَعْسِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ. Et tu délaisses la désobéissance, tu délaisses le péché عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ. Et parce que tu as peur d'Allah, parce que tu crains Allah, parce que tu crois en Allah عز و جل, parce que c'est Allah سبحانه qui t'a interdit cette chose. Et tout ça c'est fondé sur l'ilm. Comme les gens, ils font des mauvaises choses à cause de leur ignorance. قال تخاف عقاب الله. Et ça c'est le fruit. Hey, pourquoi tu délaisses cette chose? لأنك t'as peur du châtiment. Pourquoi tu fais les obéissances? Parce que tu aimes Allah سبحانه وتعالى et parce que tu espères la récompense. قال ابن القيم رحمه الله وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى وصدق رحمه الله. Ce تعريف de طلق. Et beaucoup de savants de la sunna, ils le citent. C'est devenu une référence. Fi ta'rif at-taqwa, c'est min ahsan maqil. Ça fait partie des meilleures définitions. Rahmatullah alayhi. Qala fa inna kull amalin la bud lahu min mabda wa ghaya. Chaque action, chaque œuvre, akhil karim, fa la bud. Cette action, elle a un mabda. Un mabda, c'est une base. Et pourquoi tu l'as fait? Waraya, c'est l'objectif. Le pourquoi, c'est plutôt filraya, l'objectif. Donc deux choses. Al-mabda, ton adoration ou ton acte va être fondé sur quelque chose. Et kadalik, si tu fais cette chose, tu as un objectif. Hada labud. Qala, fala yakun al-amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakun masdaruhu anil iman. Pour que cet acte il soit accepté عند Allah. Et tu sois récompensé. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il faut que cet acte, il soit fondé sur l'Iman. Et tu le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, fayakun al-ba'ithu alayhi huwa al-Imanu al-Mahv, lal-adatu walal-hawa walal-talabu al-mahmadati wal-jah wa ghayru dhalik. Et ça, c'est des choses qui font du mal à cette base, l'Iman. Celui qui fait une action, une ibada, une adoration, et cette adoration elle est basée sur al-hawa, les passions, ou al-ad, il ne fait pas hada imanan billahi azza wa jalla, il fait cette chose, pourquoi? C'est devenu une coutume. Les gens ils font donc ils font. Il a grandi comme ça, il ne sait pas pourquoi. Et le but de cette adoration, là, c'est devenu une coutume. قال ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك. كذلك هذا ça fait beaucoup de mal. Et faire une adoration pour être complimenté. Faire une adoration pour se montrer. الرياء, l'ostentation. عيادا بالله. قال ابن القيم رحمه الله فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض. أي un iman, la sincérité, être sincère. إيه هذا الإيمان سواء خالص لله عز وجل que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune part في العبادة et dans notre intention, ça doit être pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي غيري تركته والشرك. Celui qui fait une action, une adoration, et son intention, même si c'est pour Allah, lakin c'est pour autre, pour un autre, Allah subhanahu wa ta'ala, il le délaisse lui et son adoration. قال ابن القيم رحمه الله بل لابد أن يكون مبدأه محض الإيمان. المبدأ c'est ta base. Donc la base de ton din, c'est l'Iman, c'est la foi. La base de ton din, c'est l'Tawhid. La base de ton din, c'est l'Ikhlas, la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte l'amal al-mukhlisin, al-muttaqin, al-mu'minin. Amma celui qui veut se montrer, ou iyadun billah l'hypocrite, min babi awla, le mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas leurs œuvres. قال وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. Si tu as cette base, ton objectif ça doit être quoi? الثواب, la récompense, et que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de toi. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ces deux points importants, sa base, sa ibada, son adoration, elle est fondée sur la foi, sur l'iman, sur la sincérité, al-ikhlas. Thumma, son objectif, rayatuhu, c'est thawab Allah. Il espère la récompense d'Allah Azza wa Jal. Son but, c'est pas qu'un tel il le félicite, un tel il le complimente, un tel il le cite. Là, hada, ça nous apportera rien. Les anna, si wahad il te complimente et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas accepté ton amal, tu seras perdant le jour du jugement. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ton œuvre, et il est satisfait de toi, même si un tel minannas, il n'est pas d'accord, il n'est pas satisfait, il te critique, ça ne changera rien. Bel, il se fait du mal qu'à lui-même. Et anta, tu seras gagnant, yawm al-qiyam. Qala wa lihada kathiran ma yuqran bayna hadhain al-aslayn fi mitl qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadhan imanan wa ihtisaban wa man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban wa nadairah. تأمل هذا. Cette adoration qu'on vit en ce moment, walillahi alhamd, on est au mois de Ramadan, et al-mu'min yasoum, il se prive de la nourriture, de la boisson, etc., du matin jusqu'au coucher du soleil. Lillahi azza wa jal, هذا الصيام, c'est une ibadah azim. Et si on applique cette adoration sur la définition de talq rahmatullah alayhi, limadha li anna as-siyam, ça fait partie de taqwa. Qawluhu an ta'mal bi ta'atillah ala nourin min Allah, ay que tu obéis Allah à Allah subhanahu wa ta'ala ala nourin min Allah. On est tous d'accord que as-siyam c'est une obéissance, donc ça fait partie de la taqwa. Si on applique hadha as-siyam comme a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadan imanan wa ihtisaban. Vous avez remarqué que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité ces deux points. Imanan, c'est ta base, ay il faut que ce siyam ça soit l'Allah Azza wa Jal. Il soit fondé sur la foi, sur la sincérité, pour qu'il soit accepté. Wahtisaban, tu espères la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préparé une récompense énorme pour as-sa'imin, al-mukhlisin. Celui qui a hada l'ihtisab, Allah subhanahu wa ta'ala, il le récompensera. Man sama ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera ses fautes. Ça, c'est une récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut, sans compter. قوله الإيمان. هنا, c'est très très important. لماذا لأن الإيمان بالله. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, ça va le pousser à l'ikhlas, à être sincère. كذلك من الإيمان, الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. La croyance que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Si tu as cette croyance, ça doit te pousser à le suivre. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré. Enfin, si on revient à cet exemple, as-siyam, on doit faire as-siyam comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré. Maintenant, prends la durée. بعض الناس ils inventent des bidaa, ils arrêtent de manger avant le fajr un quart d'heure ou 20 minutes min bab al-ihtiyat, ce qu'on appelle bid'atu al-imsal. Min ayn ja hada, ça vient d'où hada? Est-ce que haoula ils craignent plus Allah subhanahu wa ta'ala que son prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'imam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas cité cette précaution. Pourquoi as-sahaba radiyallahu anhum, afdal al-nas, les meilleures personnes après les prophètes et les messagers alayhim salam, ils n'ont pas pris cette précaution? Ça nous montre que c'est une invention. La précaution, c'est d'obéir au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mange et bois jusqu'au fajr, tu as le droit. Ne dépasse pas les limites, la limite c'est le fajr. Amma mettre une autre limite, c'est une innovation et c'est de l'égarement. Et ça ne fait pas partie de taqwallah, azza wa jal. Hakada al-maghrib. Quand c'est l'heure, quand le soleil s'est couché, on a le droit de manger, on mange. Walillahi alhamd. كذلك من الإيمان من الإيمان الإيمان باليوم الآخر, croire au jour dernier. Cette croyance au jour dernier, ça va te pousser à espérer la récompense. Et كذلك à craindre le châtiment. فالإيمان c'est مصدر الخير, c'est la base de tout le bien. فلهذا celui qui fait des efforts pour apprendre son dîn et qui commence par l'apprentissage de هذا الإيمان, ça va lui ouvrir les portes à tout le bien. Et هذا الصيام العظيم, cet exemple qu'on a cité en se basant sur la parole d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, كذلك on doit faire des efforts pour apprendre les règles. قوله رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله أي على بصيرة أي avec science. فالإنسان doit faire des efforts pour apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. فالصيام il a des conditions, il a des annulatifs, il y a des choses qui augmentent la récompense, etc. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. الإمام الذهبي رحمه الله, comme c'est cité en note de bas de page de notre livre, il a cité التعريف, cette définition de talq رحمه الله عليه sur taqwa, et il a علق avec un تعليق طيب. قال رحمه الله كما في السير أي السير أعلام النبلاء أبدع وأوجز فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. أبدع وأوجز أي طلق رحمه الله. الإمام الذهبي رحمه الله après avoir cité son تعريف qu'on a lu ولله الحمد ensemble, قال أبدع وأوجز أي il a cité un tarif très très profitable, très très bénéfique. Et cette définition. فلا تقوى إلا بعمل. Pas de taqwa, pas de crainte sans amal. Ça nous montre أن التقوى والإيمان, c'est pas comme certains ignorants ils pensent et ils prétendent أنه c'est dans le cœur. Si mon cœur il est bon, même si je fais rien je suis bon. Parfois ils disent mon cœur il est blanc. Certains me disent moi je ne fais pas de mal aux autres. Aïn al-amal. Ne pas faire de mal aux autres c'est tout à fait normal. Faire du mal aux autres c'est de l'injustice. Lakin, est-ce que tu fais du bien à toi-même? Est-ce que tu suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu obéis à Allah subhanahu? Falihada qala al-imam al-dhahabi fala taqwa illa bi'amal. Pas de crainte sans amal. لابد من عمل. العمل c'est les actions. ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. Et pour que ce عمل soit accepté, il faut que cette action elle soit fondée sur la science et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. وإلا فالignorance ça peut pousser la personne à faire des choses qui annulent son عمل. ثم la question est-ce que cette personne est excusée? Là ça dépend de sa situation. Là on parle en général. فلا قال ولا عمل إلا بالترو من العلم والاتباع. Faire des efforts في أخذ العلم شيئا فشيئا حتى on adore Allah subhanahu wa ta'ala على علم. Et on commence par le علم le plus important, التوحيد. Cette shahada qui est la cause pour que l'insan rentre في l'islam, ce témoignage أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, il a beaucoup de ce témoignage, il a des conditions, il a des annulatifs. Tu dois les apprendre, akhi al-karim. قال الامام الذهبي رحمه الله ولا ينفع ذلك الا بالاخلاص لله. Tout cela c'est bénéfique, اي هذا العلم, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton obéissance, etc. Tout cela, ça sera bénéfique si tu es sincère. Amma, si l'insan n'est pas sincère, Wallah, il fait que se fatiguer. Que ce soit pour siyam, pour le jeûne ou autre. Qala, la liyuqal fulanun tarikun lil ma'asi bi nour il fiqh. إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. الإمام الذهبي رحمه الله il a fait cette précision. Même quand on délaisse les péchés, c'est pas pour que les gens ils disent Masha'Allah, lui il a jamais fait telle chose, Masha'Allah, lui il ne fume pas, il ne boit pas, il ne fait pas. C'est pas, ça doit pas être ça notre objectif. لماذا لأن التقوى c'est de délaisser ce péché ou les péchés. Pourquoi? تخاف عقاب الله. لماذا لأنك تكره tu as peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour que les gens y te félicitent. قال فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. Celui qui veut réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il fasse des efforts pour suivre et pour mettre en application ce conseil de Talq ibn Habib rahmatullah alayhi. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. قول الطلق رحمه الله على نور من الله أي tu dois craindre الله سبحانه وتعالى, tu dois lui obéir على نور من الله, en suivant cette lumière. أي هذا c'est en référence au premier point, الإيمان, أي pour que cette obéissance, elle soit acceptée indallah azza wa jal, il faut qu'elle soit fondée sur la foi et la sincérité. Et l'iman, on est tous d'accord, annahu labud min ilm. Mais comment croire une chose qu'on ignore? On peut pas. Walihada qala azza wa jal fa'lam annahu la ilaha illallah. Walihada qala azza wa jal inna wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. تذكرون أن في الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهكذا الشرح ils ont montré par rapport à cette sourate qu'on devait apprendre quatre choses. La première c'est l'ilm et ils se sont basés sur cette sourate. Pourquoi? Parce que l'iman la yinfa, la foi n'est pas utile que si elle est fondée sur la science et sur le Coran et sur la Sunna. ثم قال وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب. قوله ترجو ثواب الله أي le but de cette obéissance c'est que tu sois récompensé, tu espères la récompense d'Allah Azza wa Jal, et c'est le deuxième point. Donc le premier point c'est la base de toutes nos adorations, ça doit être la foi, la sincérité, et notre objectif, notre but c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de nous et il nous récompense. قال وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولهذا يقصد به. C'est pour ça que on œuvre. Pas comme ils disent Abdullal min zanadiqati as-sufiyya. بعضهم يقولون on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala pour le paradis ou parce qu'on espère le paradis ou parce qu'on a peur de l'enfer. هكذا يقولون. لماذا؟ لأن pour eux, si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pour ces choses-là, c'est un manque de adab, c'est un mauvais comportement. كأن tu adores Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te donne quelque chose en échange d'une chose. Et ça, c'est de l'égarement. Le mu'min, il adore Allah subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa khawfan wa raja'an. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il l'adore. Et il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il l'adore. Et il craint le châtiment d'Allah azza wa jal, c'est pour cela qu'il l'adore. Hakada hal al-mu'min. Wa ta'ammal ila qawli Allah azza wa jal, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Min surat al-Isra. Fa qawluhu man arada al-akhira wa sa'alaha sa'yaha. Ça, c'est l'objectif. Pourquoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Pour l'akhira. On espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement avec ses obéissances et que Allah subhanahu wa ta'ala il nous récompense. Qawluhu wa huwa mu'min, c'est la base. Hey, il faut que هذا السعي, السعي c'est le fait d'œuvrer C'est ton cheminement fi dunya, depuis que tu as atteint l'âge de la puberté jusqu'à ce que tu meurs, tout ça c'est as-sa'y. Et tu fais des choses, tu délaisses des choses. Enfin, si ton objectif, c'est l'au-delà, pas les autres, pas que un tel te complimente, il a akhiré. Et tu es mu'min, tu as cette base solide, tu crois Allah subhanahu wa ta'ala, à la récompense, ou le résultat, c'est quoi? Qala azza wa jal, fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Ha'oula, leurs œuvres, elles seront acceptées. Et cette durée de vie que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donnée, elle a été profitable pour eux. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, wa la rayba anna hadha jami'un li jami' usul al-iman wa furu'ih, wa anna al-birr dakhilun fi hadha al-musamma. On revient au début du livre qu'on a lu ensemble hier. Anna, on n'a aucun doute là-bas. أن البر سرنتر في هذا ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه وأن البر داخل في هذا المسمى نعم لأن البر سي لو بيان إلا شك أن لو بيان سا انغلوب لي بونز اكسيون قال وأما عند اقتران أحدهم بالآخر ابن القيم رحمه الله أبخي أفوغ إكسبليكي التقوى بك هذا الكلام الجميل هنا رحمه الله إلى سيتي كونت سون سيتي لي دو انسومبل. L'imada, il y en a depuis le début de la Risala, on est toujours dans le Muqaddima. On est toujours dans l'introduction. Rahimahullah, il a commencé l'explication de ce verset. Et Hams, on a lu une règle très très bénéfique en langue arabe, quand, ou plutôt certains noms, quand ils sont cités ensemble, ils ont une définition spécifique. Chaque nom, il a une définition. Et quand un de ces deux mots, il est cité seul, il englobe l'autre. Et c'est le cas de al-birr wa al-taqwa. Donc si on résume, al-birr, c'est le bien. Et al-taqwa, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter des interdits. Hada, quand ils sont cités, kullu wahida, ils ne sont pas cités ensemble. Huna rahimahullah, il a cité quand ils sont cités ensemble. Qal wa amma inda iqtiran ahadihima bil-akhar. Quand ils sont cités donc les deux, al-birr wa al-taqwa, كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها المقصودة لنفسها فإن البر مطلوب لذاته إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر. الإمام ابن القيم رحمه الله il a démontré أن quand ils sont cités les deux, Al-Birr, c'est l'objectif. At-Taqwa, c'est le chemin qui te mène à cet objectif. Thumma qala rahimahullah, wal-wasilatu ilayhi wa lafdhuha yadul ala hadha fa innaha fa'la min waqa yaqi wa kana asluha waqwa fa qalabu al-waw ta'an kama qalu turath min al-wiratha wa tujah min al-wajh wa tukhama min al-wakham wa nadha'ira. هذا العلم علم الصرف كذلك c'est très très important. Et hier on a fait un tambih à nos frères et on les a conseillé de faire beaucoup d'efforts en langue arabe. لماذا لأن c'est la base pour comprendre les textes du Coran, de la Sunna وهكذا كلام أهل العلم. T'es obligé de faire des efforts en langue arabe. Ouais, là, les traductions, tu n'auras jamais ce genre d'explication, ce genre de détails. La langue arabe, elle est très très riche. Et parmi les sciences de la langue arabe, ilmu sarf. Ilmu sarf. Et dans ce ilm, tu étudieras la construction des mots. فَمَثَلًا هُنَا قَالَ فَإِنَّهَا فَعْلَ أي عَلَى هَذَا الْوَزْنِ فَعْلَ أي تَقْوَى. Ça ressemble à فَعْلَ. Ça a la même base. قَالَ مِنْ وَقَى يَقِي كَانَ أَصْلُهَا وَقْوَى. Pourquoi? Vous avez remarqué que dans le fi'l waqa, il n'y a pas le ta. Alors que dans taqwa, tu as un ta au départ. لماذا قال كان أصلها وقوى. La base du mot taqwa, c'est waqwa. Il n'y avait pas de ta à la base. C'était un waw. Thumma, ça a été remplacé par un ta. Quand on dit il n'y avait pas de base à la il n'y avait pas de ta à la base, c'est par rapport à ce ilm. Wa illa, fa l'arab, ils ont toujours dit taqwa. قال وقوى فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة. Vous avez remarqué la même chose. الوراثة À la base, il n'y a pas de ta au départ, c'est un waw, laquelle le waw il a été changé en ta. قال وتجاه من الوجه وتخم من الوخم ونظائره فلفظها دال على انها من الوقايه. On revient à taqwa. Taqwa, la base de ce mot c'est al-wiqaya. Al-wiqaya c'est quoi? C'est le fait de te préserver, de te protéger. Mathalan, on dit en arabe al-wiqaya khayrun min al-ilaj. En français, la traduction elle est connue, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, vaut mieux prendre tes précautions au départ que de tomber malade sans main. Tu dois faire des efforts pour te soigner. Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. Al-wiqayatu, ça vient du mot, c'est la même base que le mot taqwa. Wiqaya, on répète, la base du mot taqwa, c'est waqwa. Donc, vous avez remarqué que c'est la même base. Wiqaya, waqwa. أي التقوى. قال فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية. Pourquoi العرب أو plutôt dans les textes on a ce mot عظيم التقوى. لماذا؟ C'est en référence à الوقاية. التقوى, si tu adores Allah سبحانه وتعالى, tu fais les obligations, tu fais des efforts pour faire les nawafil, les recommandations, tout ça bien sûr Lillah Azza wa Jal, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense. Kadhalik, tu t'écartes des interdits, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu crains le châtiment. Si tu fais ces choses, c'est comme si tu avais placé une protection entre toi et le feu. Et c'est ça, at-taqwa. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah, fa inna al-muttaqi qad ja'ala baynahu wa bayna an-nar wiqayatan. Celui qui craint Allah, qui applique cette taqwa, il a mis entre lui et l'enfer une protection. Exactement comme on fait fi dunya. Fi dunya, si tu veux te protéger du feu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas l'approcher. Si tu l'approches, tu dois mettre un gant ou tu dois prendre quelque chose muhim pour ne pas te brûler. Hakadha akhi al-karim, protège-toi de l'enfer. L'enfer, tu ne pourras pas te protéger avec une combinaison, en fuyant, en portant un habit spécifique. Tout ça, la yanfa, ça sera d'aucune utilité. La seule façon, le seul moyen pour se protéger de l'enfer, c'est هذه الوقاية, c'est cette protection que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, la crainte, la piété, at-taqwa. قال فالوقاية من باب دفع الضرر والبر من باب تحصيل النفع فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. ثم il a conclu rahmatullah alayhi pour te montrer la différence entre le birr والتقوى. قال فالوقاية من باب دفع الضرر. التقوى c'est pour repousser le mal, pour pas qu'un mal te touche. والبر من باب تحصيل النفع. البر c'est pour acquérir un bien. Donc قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous dans البر والتقوى, et entraidez-vous pour acquérir ensemble, et les croyants, les bonnes choses. Et كذلك, entraidez-vous pour repousser le mal. هذا قوله وتعاونوا على البر والتقوى. أما quand le bir il est cité seul, ça englobe le taqwa. Et quand taqwa est cité seul, ça englobe le bir. أي, le fait d'acquérir le bien, repousser le mal. ثم قال رحمه الله فالتقوى كالحمية. التقوى c'est une protection. والبر كالعافية والصحة. Et le bir c'est comme la bonne santé et quand tu es dans un bon état, une bonne situation. Donc, tu as bien les deux. Et ça, chaque être humain, il espère. Chaque être humain, il espère être protégé du mal, que personne ne soit injuste envers lui, etc. Et chaque être humain, il veut le bien. Lakin al-mu'min, il a une définition du bien bien précise. Le bien, c'est quoi? C'est le bien. Fi hadhihi ad-dunya, et encore plus important, le bien. Yawm al-qiyamah. Aïe l'éternité, aïe le paradis. Alors on doit faire des efforts pour ce bien. Et que d'ailleurs le mal. Le mal, bien sûr, il y a le mal qui nous touche dans ce bas monde. Et il y a encore un mal plus grave. Ça sera le jour du jugement, aïe l'enfer. Donc le mu'min, il a ces deux principes. Il a cette vision des choses. Il ne pense pas qu'à devenir. Vous avez remarqué que Ba'dhan-nas, leur seul objectif, c'est le bien de ce bas monde et de ne pas être touché par le mal. Et tout ce qui concerne ce bas monde, il pense qu'à la bonne santé. Et c'est important de penser à sa santé. Et ils craignent que la maladie. Et c'est important de faire des efforts pour ne pas tomber malade. Lakin, ils oublient l'objectif principal. Même si tu tombes malade dans cette dunya, si tu es croyant, tu guériras. Si tu ne guéris pas, tu mourras. Et au paradis, tu ne tomberas plus jamais malade. Donc, on ne doit pas oublier le principal et ce qui dure et se concentrer que sur l'éphémère. Et il se bat monde. قال ابن القيم رحمه الله وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالته. هذا باب شريف أي le fait de connaître le sens des mots et le fait de savoir que tel mot il englobe tel sens et tel sens il ne rentre pas forcément dans la définition de ce mot. هذا c'est un باب عظيم أي la compréhension de la langue arabe. قال رحمه الله ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه هو العلم النافع. تأمل هذا الكلام. Ibn al-Qayyim رحمه الله il a démontré que cette connaissance c'est ça العلم النافع. Et de mettre les choses à leur place. Et pour mettre les choses à leur place tu as besoin de plusieurs choses. أولاً tu as besoin de la langue arabe. قبل ذلك bien sûr une bonne intention. Celui qui a une mauvaise intention, il peut citer un mot ou une définition et il veut autre chose. Ayyadun billah, en suivant ses passions, etc. Enfin, parmi les choses que tu as besoin, bien sûr, la langue arabe. Kadhalik, revenir aux savants de la sunna. Comme minal nas, ils comprennent les choses. Et quand tu demandes à un savant, on s'aperçoit très vite que cette personne, elle a mal compris. Donc, هذا سي مهم قال رحمه الله وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. الحدود سي لي ليميت ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Et celui qui dépasse ses limites, il se fait du mal. Il est injuste envers lui-même. فهذه الحدود c'est notre دين. La religion, elle est faite de limites. Certaines choses, c'est obligatoire. Certaines choses, c'est interdit. Celui qui ignore ses hudoud, il se fera beaucoup de mal. Et il fera du mal aux autres. قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. انظر أن الله عز وجل il a qualifié هؤلاء أنهم sont أشد كفرا ونفاقا. Pourquoi? وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. أي لماذا؟ لأنهم ينكرون ce que Allah سبحانه وتعالى il a révélé. الحدود هنا englobe tout ce que Allah il a révélé. مثلا telle chose c'est permis, telle chose c'est interdit. Et Ibn al-Qayyim رحمه الله il a cité des exemples qu'on va lire ensemble بإذن الله. قال رحمه الله وذلك أو بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. Celui qui ne fait pas des efforts dans l'ilm et il ne fait pas des efforts dans la compréhension de la langue arabe. Bardenez, vous avez remarqué, il mélange tout. Un verset, il l'explique avec leur passion. Leur explication, elle n'est pas fondée sur la langue arabe. Elle n'est pas fondée sur le Coran. Elle n'est pas fondée sur la sunna. Elle n'est pas fondée sur la compréhension des salafs. C'est que de l'ignorance et de l'égarement. L'imad, bien sûr, Bardenez, ils ont une mauvaise intention. Et qu'elle est qu'à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance, des fondements dans la langue arabe, ils sont ignorés. Des versets du Coran et le Karim, ils ne sont pas appliqués. La voix du prophète, alayhi salam, elle n'est pas suivie par beaucoup de personnes. Ça a causé tous ces égarements qu'on vit l'un. قال ابن القيم رحمه الله إحداهما parmi les méfaits de ne pas connaître هذه الحدود, أي ces limites que Allah عز وجل il a révélées, قال أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه. Plutôt, هنا, c'est plus précis, أي le fait d'ignorer la langue arabe. Et de mélanger, ne pas connaître le sens des mots, ne pas connaître les différences. Vous avez remarqué que deux mots on a étudiés depuis le début de cette risala. Al-birr wa taqwa. Et vous avez vu toutes les fawaid wa lillahi alhamd qu'on a apprises, les différences qu'on a lues. Enfin, celui qui ignore ces choses, il pourra tomber dans deux choses très très graves. Ihdahuma an yudkhila fi musamma al-lafz ma laysa minhu, fayuhkam lahu bihukm al-murad min al-lafz. فَيُسَوَّى بَيْنَمَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Non, la première chose grave, en a cette personne qui ignore la langue arabe et qui ignore le sens des mots, peut-être qu'il va faire rentrer une chose, un yutqila fi musamma lafd ma laysa min. Ils peuvent faire rentrer une chose dans la définition du mot, alors que cette chose, elle ne rentre pas dans ce mot. On va citer un mythal. Mathalan ba'd an-nas, à cause de l'ignorance et kadhalik à cause des passions, lafd al-mu'min, le mot mu'min, croyant. Ba'd an-nas, on vit à une époque, ils disent que les juifs, les chrétiens, c'est des croyants. On parle le mot croyant comme la croyance du mu'min. Anta, tu as une croyance qui est basée sur la vérité. Eux, ils ont une croyance qui est basée sur la vérité. Et ils ont fait une conclusion très très grave. Ils ont dit les croyants, c'est des frères. Innama al-mu'minuna ikhwa. Ta'ammal hadha al-lafz. Médite bien sur ce mot. Innama al-mu'minun. Les croyants, c'est des frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les croyants, c'est des frères. Certains égarés, ils ont dit, donc les juifs et les chrétiens sont les frères. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Pourquoi, haoula, ils ont cité cet égarement? Belle, c'est de la mécréance claire. Pourquoi? Certains, ils sont ignorants. Et d'autres, c'est les passions et c'est des égarés. Wa illa, fa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a défini c'est quoi l'iman? Comme a fait hadith Jibril. Quand Jibril, alayhi sallam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal iman? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala al-iman an tu'mina billah. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. On prend le troisième fondement. Al-Iman Billah, wal-Malaika, wal-Kutub. Est-ce que les juifs et les chrétiens, ils ont cru au Coran? Ils ne croient pas au Coran. Enfin, comment tu prétends que c'est des croyants? كذلك الإيمان بالرسل. Est-ce que les juifs et les chrétiens يؤمنون برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام? Est-ce qu'ils ont la conviction, ils ont la croyance que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et un messager? Donc comment prétendre que c'est des croyants? C'est quoi qui a poussé Aoula à faire rentrer des gens dans la définition de ce mot? Aïe al-mu'min, le croyant. Ayyadam billah, ba'dhum c'est l'ignorance. Kama huwa hal ba'd al-awam. Certains ignorants, maintenant ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu dis que les juifs et les chrétiens, c'est des mécréants? Alors que eux aussi ils ont un messager, eux aussi ils ont un livre. Donc, Barbanès, ils ont compris que nous, on est des croyants, eux, c'est des croyants. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Abedan. Bel, c'est des koufars. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés koufars. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a maudits. Enfin, comment, en tant que mu'min, tu vas dire là, c'est des croyants. Qala azza wa jal, afa man kana mu'minan, ka man kana fasiqan, la yastawun. Est-ce que celui qui croit, il est comme celui qui ne croit pas, al-fisq huna, c'est al-akbar, la yastawun. قال عز وجل لا يستوون ils ne sont pas égaux أبدا sauf chez quelqu'un qui ne connaît pas les hudud d'Allah سبحانه وتعالى. Le deuxième exemple ou le deuxième point قال والثانية أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخل تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق أو فيفرق بين ما جمع الله بينهما. Le deuxième point c'est exactement l'inverse et faire sortir une chose de la définition d'un mot, alors que cette chose, elle fait partie de cette définition. On garde le même exemple, al-mu'min. On a un deuxième extrême, al-khawarij al-dullal. Et indahum, celui qui fait un grand péché, c'est plus un croyant. Ils le font sortir de l'islam et ils disent que s'il meurt à la had al-hal, il ira en enfer éternellement. Les ma'adha, les anahum, ils connaissent pas c'est quoi la foi. La foi, السلف يلون ديفيني أن الإيمان سقول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc l'insan il peut avoir des faiblesses et on a tous des faiblesses, des manquements et faire des péchés, sa foi elle descend, il ne sort pas totalement de la foi. Enfin on n'a pas le droit de le faire sortir de la foi. On dit ça reste un croyant, lakin sa foi elle est faible. Amma le juger de kafir et avoir la conviction que si il meurt, il ira en enfer éternellement, c'est de l'égarement. Vous avez remarqué qu'avec ces deux exemples, on a cité deux extrêmes. L'extrême, dans notre exemple, de ceux qui disent que les mécréants, c'est des croyants, comme nous et c'est nos frères, et l'extrême de ceux qui disent que certains croyants, c'est des mécréants. Ah, ça nous montre. On a tous les égarements, c'est des extrêmes. Il m'a de l'exagération, il m'a du laxisme. Et la cause, c'est l'ignorance. تستفيد هذا من هذا الكلام الجميل de l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah. Est-ce qu'on est à l'abri de tomber dans un des deux extrêmes? Abadan. Celui qui se sent à l'abri Lui-même, il a besoin d'être conseillé et il est touché par l'ignorance. On n'est pas à l'abri. Al-hayy la tu'man alayhi al-fitna. Est-ce qu'on doit faire les causes? On doit faire les causes. Les causes, c'est quoi? C'est d'apprendre. Apprends ton dîn. Apprends la langue arabe. Apprends le Coran. Apprends sunna selon tes capacités. Reviens au savant de la sunna. Et si tu ne sais pas une chose, demande. Et surtout, ne parle pas sans ilm. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Mais idnillahi azza wa jal, tu seras préservé de ces deux extrêmes. L'exagération et le laxisme. Et même si tu as des faiblesses, wallahi alhamd, tu seras toujours sur le juste milieu. لماذا؟ لأن المؤمن الموفق السني il accepte le haq. Même s'il se trompe, maintenant une de ses erreurs, elle peut le pousser à un de ces deux extrêmes, on le conseille, il revient. ولله الحمد. قال ابن القيم رحمه الله والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها فيع أن كثيرا من الاختلاف وأكثره إنما نشأ عن هذا الموضع. La plupart des divergences, c'est à cause de l'incompréhension de cette règle qu'il a citée, rahmatullah alayhi. قال وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. Les détails de cela, de tout ce qui vient de citer, de cette règle, etc. Un énorme livre, ça suffirait pas pour détailler, rahmatullah alayhi. Lakin, il va citer quelques exemples et alhamdulillah, ça nous sera une base utile pour pouvoir comprendre cette mas'ala et pour pouvoir faire des efforts. قال ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكر فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفع عنها حكمه. مثلا لفظ الخمر. الخمر c'est tout ce qui peut causer l'ivresse. On n'a pas le droit de faire sortir une chose qui a هذا الوصف, cette caractéristique et qui peut rendre ivre et on dit non, c'est halal. C'est pas du khamr. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. Tout ce qui rend ivre, c'est haram. مثلا, ils inventent une boisson qui rend ivre. Est-ce qu'on a le droit de dire là, c'est halal? Certains ignorants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est pas cité dans le Coran. Oh, il n'y a pas de hadith. Ils veulent un délit avec le nom de la marque, etc. هذا c'est من الجهل. أما المؤمن, il regarde la définition du mot. Tout ce qui te fait du mal, أخي الكريم, c'est haram. Pourquoi certains ignorants, ils pensent que la cigarette, c'est pas haram? Parce qu'ils pensent que pour que ça soit haram, il faut qu'il y ait un texte clair. Maintenant, dans le Coran, la cigarette, c'est interdit. Oh, dans la sunna, la cigarette, c'est interdit. Babardanas, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, mais il n'y a pas de texte. J'ai lu le Coran, c'est pas écrit que c'est haram. Dans le Coran, tu as plusieurs textes qui montrent que ce qui te fait du mal, c'est haram. Et dans sunna, qawluhu alayhi sallallahu alayhi sallam, la darar wa la dirar. Tu n'as pas le droit de te faire de mal. La cigarette, c'est prouvé que ça fait du mal, c'est haram. قوله وكذلك لفظ الميسر واخراج بعض انواع القمار منه كذلك le mot الميسر ça englobe tout ce qui concerne les jeux de hasard, les paris, etc. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de mal aux mu'mines. Combien de personnes elles se sont endettées à cause des paris? Une moussiba qui s'est propagée, les paris sportifs, etc. avec les applications. Combien de gens ils sont devenus dépendants? Bardenas, ils ont divorcé à cause de cela. Bardenas, ils ne voient plus leurs enfants à cause de ces paris. Ils ont tout perdu. Enfin, tout ce qui cause cette dépendance qui est fondée sur le hasard et les paris, etc., c'est haram. قال وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. Là, on peut citer un exemple طيب. Un nikah, dans notre dîn, c'est légiféré. Un nikah, c'est le mariage. Le mariage, il est fondé sur des conditions qu'on a étudiées ensemble, ولله الحمد, dans les règles du mariage de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh. Parmi les conditions, al-wali. Ils font un wali. La nikah illa bi wali. Pas de mariage sauf avec un wali. Tu trouves بعض الناس. عياذا بالله, ils sont, مثلا, un homme, il est avec une femme. Ils se sont jamais mariés. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de wali. Wala shay min hadha. Lakin, vu que ça dure longtemps, leur famille les accepte comme si c'était un mariage. Si tu les conseilles, tu leur dis, mais Fulan et Fulana, ils sont pas mariés. Ce qu'ils font, c'est zina. C'est de l'adultère. Même s'ils ont des enfants, même s'ils se connaissent depuis longtemps, même s'ils vivent comme des mariés, ils sont dans le haram. Lakin, vu que Bardenas, ils ne comprennent pas ça, pour eux, c'est, ils sont mariés. C'est pas min al-nikah, abadan. Al-nikah, il a été défini dans notre dîn. La bout d'une dot, la bout d'un wali, la bout que l'homme, il demande la main de la fille au père, et le père, il accepte, etc. قال وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه كذلك. Vous avez remarqué que بعض الناس ils ont fait des crédits, ils ont acheté certaines choses et ils ont écouté les fatwas de certains égarés, ils ont dit mais c'est permis. Alors que riba, l'usure, elle a été définie dans les textes et là chacun a celui qui fait un crédit et il doit rembourser plus que la somme de base de la maison, c'est de l'intérêt. كل قرض جر نفعا فهو ربا. C'est une règle عند أهل العلم. Chaque prêt qui a pour conséquence un ajout, maintenant cette maison elle vaut 100 000 euros, ouais, il fait un prêt, il doit rembourser 120 000 euros ou 110 000 euros. Cet ajout c'est de la riba. Même si un tel il te fait une fatwa, tel shir il est connu, il fait une fatwa, c'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'on a des textes clairs. قال وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى. Donc ça c'est certains exemples pour t'illustrer cette règle bénéfique et pour nous encourager à faire des efforts. نعم. Et inshallah ta'ala, demain on reprendra à partir de والمقصود. Hey, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu auparavant avec la définition de al-ithm, thumma un fasl très très bénéfique simple, thumma walillahil hamd, on aura fini cette introduction. Cette introduction, elle est très très profitable. Al-insan, il fait des efforts pour mettre en application ses conseils. Al-yada, on insiste beaucoup sur l'apprentissage, sur al-ilm. Fais des efforts, akhil karim. C'est que du bien. C'est que du bien. Même au début, ça y est, c'est difficile. Surtout la mémorisation, le fait d'être régulier, ou de voyager encore plus. Lakin, accroche-toi, fais des efforts. فَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et l'imam Nulqayyim, rahimahullah, dans cette risala, il t'explique le chemin pour rentrer au paradis. Cette risala, le contenu, il est clair et l'objectif, il est aussi clair. C'est pour ça que les ulama ils l'ont appelé Zad al-Muhajir, les provisions du Muhajir. On ne parle pas de la Hijra, comme on a cité, du pays de Kufr en pays d'Islam. Là, al-Hijra est de cette dunya pour aller au paradis. Enfin, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a simplifié. Walillahi alhamd, fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yirhamah. Et demain, bi'idnillahi azza wa jal, on continuera la lecture. الآن نقص على notre deuxième درس إن شاء الله تعالى والحمد لله.